que le Conseil régional du Jura de la Réunion vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette assemblée organisée par le département de la Réunion pour la communauté musulmane à l'occasion de la Réunion et vous adresse ses félicitations pour votre belle prestation de psalmodie du Coran, donc le mercredi 24 mai 2023 au jardin de l'État de Saint-Denis. Donc merci beaucoup, nous avons